Oh, salut, ça va? Oh, salut, l'amoureuse. Tu connais un peu tout le monde, Elisabeth, ou pas? Ça te... Face à toi, tu as Sylvie. Sylvie, d'accord. Voilà. La secrétaire de l'association. Attention, on rigole pas. Bah, ça marche. Ouais, super, on est très contents là. Ouais, on a fait un super week-end le week-end dernier. Je sais pas si on pouvait pas ou si on n'était pas là. Parce que nous, on va aller à l'étage. On peut peut-être aller dans la salle que tu disais. Ouais, mais il faut attendre. Je sais pas si on a l'accès. C'est pour ça, il faut attendre. Ouais. C'est mieux. Bonjour. Et bonjour. Bonsoir. À qui? Bonsoir, madame. Ah ben voilà Anne. Voilà Anne. Bienvenue. Merci. Alors, le début de la soirée va se passer. Elisabeth et Anne-Marie, on écoute. Je vais vous accompagner. On va aller en salle 6. C'est une salle qui est à l'étage. Oui. Et là-haut, vous pourrez émarger. Je vous donnerai vos billets. Voilà, vous installez. Boire un petit coup. Boire un petit coup. C'est incroyable. Et ensuite, on descendra en grande salle à 19h15 pour la visite tactile. Donc la visite tactile, elle durera 20 minutes, de 19h15 à 19h35, exactement. Parce qu'en fait, une fois... vous pourrez appréhender les éléments de scénographie, mais vous pourrez toucher des pans avec des miroirs. Mais du coup, il faudra que l'équipe technique repasse un petit coup de chiffon sur les miroirs après qu'on les ait touchés. On va toucher proprement. Voilà, je n'en doute pas. Et ensuite, vous pourrez vous installer en grande salle avant l'entrée tout public. Bon, alors, il y a Tonton et Tati. Je sais qui me pèse depuis tout à l'heure, là. Roland de Manu, ouais. Mais oui, ils sont là, Roland de Manu. Les oiseaux. J'adore sa voix quand il parle. Il nous explique ces choses. Il va nous faire réviser, là. Oui, Marilyn, c'est là-haut que tu ramasses les sous. Oui, c'est Lisiane. Dans Lisiane. C'est Lily. Voilà, c'est Lily. Alors, c'est elle, parce que j'ai tout le monde. Ouais. C'est super. J'ai imprimé les conventions. Ok, mais tu veux qu'on les signe alors? Michel et Nathalie, ils commencent déjà à mettre des verres et des trucs. Ouais, super. Donc là, on attaque la visite tactile. Bonsoir. Soyez les bienvenus. C'est Michel qui va peut-être parler en plus. Oui, je parle si vous voulez. C'est Michel, on est d'accord, je comprends. Hein, eh bien, moi, je suis Michel, je le dis au début du spectacle, je suis enchanté, je suis acteur. On se présente. Et dans la pièce, donc, j'explique qui je suis et ce que je fais. Je vais jouer donc au cinéma dans une adaptation d'un moment de la vie d'un alpiniste. Voilà. Qui s'appelle Jean, et donc je joue moi, et je joue aussi Jean dans le film. D'accord. Allez-y. Et puis, moi, je suis Jean Vidal, je suis l'alpiniste qui va vivre une grande aventure sur l'Annapurna, au Népal, et suite à cette grande aventure, il va écrire un livre, et c'est ce livre qui va donner l'idée au producteur de faire un film, dont Michel Roux va être l'acteur principal. Voilà. Peut-être, si vous voulez, on a comme accessoire, donc il y a 4 chaises qui sont avec lesquelles on va jouer de temps en temps. Des fois, on va prendre les chaises pour les amener en avant-scène. Et on a aussi 2 sacs à dos. Et dans notre sac à dos, on a un baudrier, une corde et une paire de dégaines et un mousqueton à vis. Voilà. Bien souvent, on nomme les objets ou on dit qu'on les prend. Ils voient un magazine, on entend le bruit du magazine. Je dis que je prends ma brochure, je reçois un texte, on entend le bruit. Souvent, je crois quasiment tous les... À part le baudrier, la corde, on n'en parle pas. Ouais. On le met en parlant. Mais ils sont, enfilés et ils sont désenfilés. Oui. Mais... Quand je parle à un moment que je mets le costume de Jean, en fait, je mets le baudrier avec la corde au même moment où lui le met. L'audiodescription le dira. Oui, l'audiodescription le dira. Comme disait Stéphanie, il y a peut-être les tapis de marche. Et les deux tapis de marche. Les deux tapis de marche. Et une autre chose qui fait du bruit, c'est ceci que j'active donc au début, qui fait ce bruit-là, si vous voulez entendre. Souvent, Michel, donc moi, je fais souvent. Et ça, c'est quand ça active l'idée du film. Donc, c'est-à-dire, c'est un truc bobine qui fait comprendre qu'il y a un film. C'est un magnétophone, voilà. Et avec plaisir pour parler après la pièce. Si voilà. Si vous en avez envie, on peut se retrouver au bar. Donc, ça, c'est le pied, en fait. Et là. En fait, ce qu'il expliquait les bruits, en fait, donc ça c'est la paroi. Donc, d'un côté c'est de la peinture, et de l'autre côté miroir. Et tu vois, il y a trois panneaux. Tu as un panneau du bas, un panneau du milieu et tu as un panneau plus haut. Michel. Ça c'est Michel. Qu'est-ce qu'il est musclé, Michel? Tu la retiens un peu ta gonzesse là? C'est ça qu'ils disent, qu'en fait ils déplacent pour déclic. C'est ça qui s'enlève en fait? Ouais, en fait ils le montent vers le haut, vers le bas pour pouvoir tourner. Tu vois, Michel, on va le casser. Michel, t'as cassé le truc. J'ai pas fait ça. Et après, ce qu'il disait, ce qu'il disait en bas, là, le clip, c'est ça en fait. C'est juste pour que des fois tu vas entendre ce bruit, parce que ça, ça permet de le caler en bas, tu vois. C'est le truc qui a mis ça pour les portes. Oui, oui. C'est ça le truc qui permet de le faire. Donc, ouais, ça fait un mais c'est pas du tout électrique, moi je pensais que c'était électrique. Ils le font tourner. Donc là, tu as le socle en bas, tu as un axe central. Et ça tourne tout cet axe-là. C'est pas bruit. Et parce que sur le... Vous êtes Michel? Jean. Non, c'est Jean. Moi, je suis Jean. C'est moi, je suis Michel. D'accord. Ah bah, enchanté. Michel, il faut accélérer. Oui, bah attends. Il y a deux nœuds parce que le mur est muni de crochets. Et donc on crochets, c'est comme ça. Et se suspendre au haut du mur. Oui, oui, là. Des bons mousquetons. On entend le bruit des mousquetons. Oui, on entend les mousquetons. J'ai des guerres. Merci Jean. Non, c'est Michel. Non. Donc tu as les tapis, deux tapis de marche en fait, à droite et à gauche. Brancher le casque. On va faire un petit essai son. On va faire des essais, à savoir que pour chacun, il y a une petite molette. Molette sur le côté. La mi-molette. La mi-molette. Levez la main si vous entendez les bruits de fond. Cette fois-ci, parce que on se disait dans l'équipe, je suis toujours seul à parler et j'aimerais inviter Michel avec moi. Viens Michel. Voilà. Ça va me rassurer. Michel fait partie d'Alpe-Regard. Alpe-Regard 05, c'est une association qui, avec qui on travaille depuis pas mal d'années. 7 ans. 7 ans. Et avec qui on fait des projets en audio-description. Et ce soir, le spectacle est en audio-description. Au niveau technique, il y a une équipe qui voit le spectacle. Que on le retransmet dans des casques. Et avant cela, quelque chose qu'on aime beaucoup et qui est intéressant, surtout dans le partage avec l'équipe de la compagnie, que je salue encore aujourd'hui, parce qu'ils étaient au ski, enfin, ils sont allés faire de la luge aujourd'hui, c'est qu'il y a une visite tactile, c'est-à-dire qu'ils viennent voir, mais peut-être tu vas en dire un mot aussi, hein, tu ne voulais pas dire tout ça. Et c'est bien que tu parles. Hein, c'est bien que je parle. Et du coup, eh bien le spectacle est en audio description. Et juste après notre prise de parole, vous allez être vous aussi immergé dans l'univers de l'écoute, puisque la feuille de salle va être sonore. Et je peux vous dire que je crois que nous sommes le seul théâtre à le faire en France. Et c'est ce qu'on a développé avec Alpe-Regard dès qu'on peut, parce qu'une audio-description, ça prend du temps, ça mobilise des moyens, et c'est à ce sujet que tu voulais prendre la parole. Bonsoir, je suis Michel, je fais partie de l'association Alpe-Regard 05, et on a mis en place un projet qui s'appelle Bouche à oreille, et c'est pour rendre le spectacle vivant accessible aux déficients visuels via l'audiodescription. Et aujourd'hui, je suis debout devant vous parce qu'en fait, on est à la recherche de personnes volontaires et des bénévoles pour intégrer et pérenniser ce projet. Et puis, si vous voulez en parler, poser des questions, en savoir un tout petit peu plus, on se fera un plaisir de vous répondre juste après le spectacle au Piano Bar. Je témoigne juste que c'est un moment de partage essentiel, humain, aussi, parce qu'on se connaît depuis longtemps. Je voulais juste dire aussi merci, parce que j'avais prévu de dire merci à Romaric pour ce temps d'accueil, qui est toujours aussi génial. Merci à Anne, qui est là, qui nous accompagne tout au long de la saison pour le choix des spectacles et l'organisation d'une soirée comme ce soir. Et aussi un merci particulier à Colin, qui est là pour nous conseiller et nous aider au niveau technique, parce qu'il y a quand même de la technique. On en a eu encore un exemple il y a 5 minutes. Voilà, donc on va lancer dans quelques instants la feuille de scène sonore, juste pour préciser que le prochain spectacle, le 4 et 6, merci. C'est pour voir si vous suiviez aussi. Merci de m'avoir rattrapé. C'est le Glaneur. Vous aimez la danse, vous aimez le théâtre, si vous aimez le cinéma, eh bien vous allez voir une expérience avec Romain Berthet qui va nous faire traverser tous les films que vous connaissez ou que vous ne connaissez pas, mais vous avez les repères. Je ne vais pas en citer parce que ça aurait entré un peu le spectacle. Et il le met en théâtre, il le met en danse. C'est un petit peu ces formes qu'on aime bien, un peu décalées, où c'est un spectacle, mais pas trop, mais un peu, mais en tout cas, dans tous les cas, c'est une expérience. Et je vous remercie encore une fois d'être présents tous ici pour cette nouvelle année. J'ai encore le temps de vous souhaiter une bonne année. Merci. Une ombre vorace est une création de 2024 du Festival d'Avignon. Sa durée est de 1h30. Le texte et la mise en scène sont de Mariano Pensotti. La traduction de l'espagnol au français a été écrite par Cristina Vassero. Présentation de la pièce. Jean Vidal, alpiniste en fin de carrière, décide un jour d'entreprendre l'ascension de l'Annapurna au Népal, lors de laquelle son père a trouvé la mort 30 ans plus tôt. Son histoire est adaptée au cinéma. À partir de là, Mariano Pensotti entremêle les niveaux de fiction à travers les monologues de Jean Vidal et de Michel Roux, l'acteur choisi pour jouer son rôle. Tourner un film, gravir une montagne, deviennent deux versants de l'existence humaine. Le metteur en scène argentin Mariano Pensotti propose ici une œuvre documentaire fictionnelle, une histoire présentée comme réelle, mais dont la part imaginaire est totale. Il s'est inspiré d'histoires de plus en plus nombreuses, d'alpinistes disparus, dont les corps réapparaissent dans des montagnes, partout dans le monde, à cause de la fonte des glaces. Entre guillemets, comme si la nature nous rendait les morts qu'elle a si longtemps cachés. Ce spectacle destiné à l'itinérance peut être joué en intérieur ou à l'extérieur. La volonté du metteur en scène est que les acteurs s'adressent directement au public. Les acteurs, Cédric Ekaout et Elias Noël, de corpulence et d'âge moyen, jouent chacun deux rôles et portent des vêtements d'alpiniste. Elias Noël est l'alpiniste Jean Vidal et le réalisateur du film devant retranscrire son histoire particulière. Cédric Ekaout est l'acteur Michel Roux, choisi pour incarner Jean Vidal dans le film et Raoul, le meilleur ami du père de Jean. Le spectacle repose essentiellement sur le texte et les échanges entre les acteurs. Au début du spectacle, un certain trouble peut s'installer pour l'ensemble du public. Les deux interprètes alternent leur rôle sans interruption et se déplacent constamment. Cette impression est volontaire et fait partie de l'écriture de la pièce. Le décor est épuré et dominé par une grande paroi composée de panneaux blancs et de miroirs, qui structurent l'espace scénique grâce à leurs déplacements et leurs reflets. Cette paroi évoque la montagne omniprésente et est un élément central de l'action, les acteurs allant jusqu'à l'escalader. Détail technique. La scène mesure 8 mètres en largeur, 6 mètres en profondeur. Le décor épuré est composé d'un socle avec 600 kg de lest, d'une paroi composée de 6 panneaux s'articulant autour d'un axe central, mesurant chacun 98 cm de haut et 2 mètres de large, pour une surface totale de 3,25 m de haut sur 4,10 m de large. Une face de la paroi est entièrement blanche. L'autre est constituée de miroirs. La paroi est au centre de la scène et seules les faces blanches sont présentées au public lorsque débute la pièce. Au fur et à mesure, les panneaux seront dissociés, séparant la scène en deux parties, gauche et droite, accentuant parfois, grâce au miroir, les jeux de lumière. 4 chaises, 2 tables et 2 tapis de course, positionnés de part et d'autre de la scène, complètent le décor, ainsi qu'un magnétophone à bande situé sur la droite. L'audio description vous est proposée par, dans l'ordre, Nathalie, Stéphanie et Marie-Joseph. Dominique et Elisabeth ont participé à la relecture. Nous nous retrouvons après le spectacle au piano-bar pour recueillir vos impressions et pour un bord-plateau avec la troupe. Bon spectacle. Le vent glacial me frappe le visage. Je vois rien, comme si j'étais aveugle. Il paraît que les aveugles voient tout en noir, dans une tempête de neige, on voit tout en blanc. On n'est pas préparé pour certaines choses. Une guerre, un avion qui s'écrase, les morts, les naissances. Il y a des choses auxquelles il est impossible de se préparer. Une tempête de neige en fait partie. Et le vent glacial me frappe le visage. Je vois rien, comme si j'étais aveugle. Et il paraît que les aveugles voient tout en noir, dans une tempête de neige, on voit tout en blanc. Et on n'est pas préparé pour certaines choses. Une guerre, un avion qui s'écrase, les morts, les naissances. Il y a des choses auxquelles il est impossible de se préparer. Une tempête de neige en fait partie. Je suis seul sur l'Annapurna. Et quand bien même il y aurait des gens autour de moi, la tempête m'empêcherait de les voir.